Allez, on t'embrasse, Lionel. Passe une bonne semaine, nuit. Ciao. Bonjour à tous, bienvenue. Et il est 6h, bon réveil sur RTL2. Le son pas Alanis Morissette et LSD après les premières infos de la semaine avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Elle est aussi, elle est de retour après vendredi. Emmanuel Macron tend la main aux gilets jaunes. Le chef de l'État maintient le cap, la hausse des taxes sur les carburants sera bien maintenue l'an prochain. En revanche, le gouvernement a décidé de renoncer aux péages urbains. À l'origine, cette mesure devait être présentée aujourd'hui en Conseil des ministres dans le cadre du projet de loi sur les mobilités. Le principe, faire payer aux véhicules l'entrée dans certaines villes sur le modèle de Londres pour lutter contre la pollution. L'idée est finalement abandonnée. Un nouveau scandale sanitaire, une enquête réalisée par une soixantaine de médias du monde entier dénonce les lacunes autour du contrôle des implants médicaux en Europe. Sont concernés les pacemakers, les valves, les prothèses mammaires ou encore les prothèses de hanche, d'épaule ou de genou. Et d'après ces révélations, le nombre d'incidents ne cesse d'augmenter. Ils auraient doublé en 10 ans avec plus de 18 000 cas l'an dernier rien qu'en France. La continuité dans l'Essonne. C'est le maire d'Évry qui a remporté hier la première circonscription face à la candidate de la France Insoumise. Francis Choua, le bras droit de Manuel Valls, soutenu par la République En Marche, décroche 59% des voix contre 40% pour Farida Amrani. Le vote a été marqué par une très forte abstention. Seuls 18% des électeurs inscrits ont fait le déplacement. À l'étranger, la frontière entre le Mexique et les États-Unis a rouvert. Cette nuit, elle avait été fermée entre Tijuana et San Diego. 500 migrants ont tenté d'entrer en Californie. Ils ont été repoussés par l'armée américaine. Allez, on passe au sport, en football. Marseille remonte dans le top 5 de la Ligue 1. L'OM l'a emporté 3-0 sur Amiens hier soir en clôture de la 14e journée du championnat grâce à un triplé de Florian Thauvin. De son côté, Montpellier, 3e du classement, a été tenu en échec par Rennes de partout. Et Nice a battu Lille 2-0. Le PSG, lui, devrait être fixé dans la journée. Mbappé et Neymar, qui s'étaient blessés la semaine dernière, doivent reprendre l'entraînement aujourd'hui à 2 jours du match de Ligue des Champions contre Liverpool. Enfin, une toute page se tourne pour Yannick Noah après la défaite de la France battue par la Croatie en Coupe des Vicières. Il décide d'arrêter le tennis de compétition. C'est Amélie Mauresmo qui va lui succéder. Jusqu'à maintenant, jamais une femme n'avait été capitaine de l'équipe de France. On passe à la météo. Dans la matinée, il pleuvra au sud de la Garonne. Les averses seront soutenues sur le Pays Basque. On attend aussi de la neige à partir de 1000 mètres sur les Pyrénées. Du nord de la Nouvelle-Aquitaine au nord-ouest du pays, la grisaille dominera avec quelques gouttes localement. Sur le pourtour du golfe du Lion, le ciel sera voilé, mais il y aura quelques éclaircies. Enfin, en Corse, le temps sera instable avec beaucoup de pluie, notamment en début de journée. Les températures ce matin, il fait 5 degrés à Sedan et à Besançon, 6 à Limoges, 7 à Bordeaux, 8 à Paimpol, 9 à Nice et 12 à Ajaccio. L'après-midi, on attend 5 degrés à Lille, 6 à Strasbourg, 7 à Paris et Cholet et 11 degrés à Perpignan. Bon réveil avec le double expresso RTL 2, le son pop rock. Where did love go when all is said and done? Where did love go? You put the running into saying those words like you hate me now. SD Thundercloud sur RTL2. Grégory Hacher et Justine Salmon. Bon réveil avec le double expresso RTL2. Alléluia, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mais que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Quel plaisir de vous retrouver en ce lundi 26 novembre, 467e édition du double expresso RTL2. Je vous dis bonjour et je dis bonjour Justine Salmon. Bonjour Greg, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de te dire bonjour, d'avoir un retour de bonjour, parce que je vais te faire un bisou. Il y avait trop d'hommes, hein. Bouge pas. Ah, il est mignon, dis donc. Je vais m'en aller plus souvent, hein, pour non, que tu sois gentil comme ça. Tu es toujours gentil. Déjà, de base, je suis quelqu'un de gentil. Bonjour Jonathan O'Donnell. Bonjour Grégory le gentil. Bravo pour tes prestations jeudi et vendredi. Beaucoup, beaucoup de coups de fil pour me dire rien. D'accord. Merci, moi je vous ai écouté, vous étiez très bien. Bonjour à Max. Bonjour. Qui est aux réseaux sociaux, ça va? Super. Bonjour à Jérémy, à la réalisation de l'émission. Salut l'équipe. Clara est au standard jeu 3228 avec Annel. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour, bon, Clara ne dira jamais bonjour, elle ne veut pas. Bonjour Clara. Bonjour, ah, voilà. Mais belle voix. Bon, ça va Juju, t'es en forme? Oui, tu as passé un bon week-end toi Greg. Je n'ai rien foutu. Mais vraiment, tu sais, c'est le dimanche et le samedi de pluie en famille. Il n'y a rien eu. Mais il n'y a rien eu. J'ai fait ma première raclette. Moi aussi. Moi aussi, bah, j'ai vu que l'équipe, parce qu'on passe les photos du week-end tous les dimanches, tout le monde a fait une raclette. Hein. Bah, c'est la saison. Ah. Hein. Bah, pas tout le monde, bon, mais sauf ceux qui n'aiment pas le fromage, comme Jonathan O'Donnell. Voilà, ça, merci. Chez eux, ça, c'est une vraie possibilité. Je vais recevoir des plaintes, à mon avis. Pas aimer le fromage, c'est incroyable. C'est fou. Mais en fait, t'aimes pas la vie. C'est ça le principe. Mais je vous aime, vous. Oui. Durant l'info expresso, l'horoscope, le tube de la brosse à dents RTL2, inscription dès maintenant, 32-28, on joue à 6h45. Voici Alanis Morissette sur RTL2. Ragamen getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Oh. I recommend walking around naked in your living room. Yeah. Swallow it down. Check it through. It feels. Des années 90 dans le double expresso RTL2. Évidemment, Alanis Morissette, You Learn. À 6h10, la première info expresso arrivera dans quoi? Dans 5 minutes, Justine, hein? Dans 5 petites minutes. Et si vous n'aimez pas la guerre et que vous aimeriez la paix dans le monde, eh bien, j'ai un test pour vous. Je crois que je sais de quoi tu veux parler. C'est un truc habituel. Bah oui, tous les ans. C'est un petit marronnier. Ça revient dans quelques secondes. Et puis, on écoutera Survivor. La chanson qui motive dès le matin, Burning Heart. Il y aura aussi The Calling et Rag & Bone Man dans le double expresso RTL2. Bonjour. RTL2 a été la première radio en France à vous jouer ce titre d'Imagine Dragons. Ce titre de Jane

à tous et bienvenue dans le double expresso RTL2, c'est l'événement. Elle est de retour, c'est Justine. She's back, baby. Ah, je suis contente d'être là, je suis contente de vous retrouver. Hein. Mais et tu vois, finalement, c'est quand t'es pas là que je m'aperçois que tu me manques. Ah, bah voilà, non, tu vois, il faut des petites absences comme ça. Mais non, il faut pas. Tu m'abandonnes plus jamais avec c'est eux. Fini. Hein. Ah, non, je te jure, c'est des gardements. Je parle comme un vieux. Survivor, Burning Heart avant l'info expresso sur RTL2. It's a primitive clash. Fitting is a frustration. Bravely we hope against all hope. There is so much at stake. Seems our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it east versus west? Or man against man? Can any nation stand alone? In the burning Survivor, c'est la chanson du film Rocky, évidemment. Et il y a Creed 2, les aventures du fils d'Apollo Creed, coaché par Stallone, qui sort en janvier. J'ai hâte. Oh là là là. L'info expresso RTL 2. Et le fils d'Apollo Creed contre le fils de Drago. Tu sais, le russe qui l'a tué là. Oh, bon, bref, pardon, excusez-moi, je m'emballe. Justine, de quoi parlons-nous ce matin dans la première info expresso? C'est un petit marronnier. Vous le savez, tous les ans, c'est l'élection Miss France. La mi-décembre, ça va arriver. On la recevra, la nouvelle Miss France d'ailleurs. Et les Miss France, elles sont parties là en préparation à l'île Maurice avec Sylvie Tellier. Et tous les ans, elles font un test de culture générale. Avec le petit voyage. Avec le petit voyage, ça fait partie du lot. Ouais, c'est pas mal. Donc, elles ont eu leur test de QI là ce week-end. Ah. Et il faut savoir que c'est pas tout à fait un test de QI, c'est un test de culture générale. Mais c'est vrai, t'as raison de le dire. Précisons. Et il faut préciser que c'est important quand même parce que Iris Mittenard et Camille Serre, qui ont été à Miss France Nord-Pas-de-Calais, avaient terminé en première position dans ce test. Ah, donc ça c'est donne pris des en indices. Compte. Oui, quand même. Alors, il y a beaucoup de questions sur plein de thèmes. Je vous en ai sélectionné quelques-unes. On peut jouer? Bien sûr, c'est fait. Alors, tout le monde joue, Jérémy, Max, Jonathan, tout le monde joue. Alors, qu'a-t-on célébré en France le 11 novembre dernier? L'armistice. Allez, je vous ai bravo. Pris. Bravo. Pas mal. Qui est le premier ministre français? Édouard Philippe. Oh, pas mal. Allez, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter la question avant de donner la réponse. Ouais. De quel pays Bachar al-Assad est-il président? Allez, facile. Vous êtes fous, quoi. La Syrie. Vous rigolez ou quoi? C'est la crise mondiale, ça vient de là, mais vous êtes fous. Bon, vous ne serez pas Miss France. Un petit peu plus dur. En quelle année Adolf Hitler prend-il le pouvoir en Allemagne? 33. Pas mal, les gars, bravo. Quel pays l'équipe de France de football a-t-elle affronté lors de la finale de la Coupe d'Europe? Oui. Mais oui, mais il dit on attend la fin des questions. Oui, mais attends pas la fin des questions aussi. Pour vous, pas pour moi. Mais rien à gagner, Jonathan. Oui, mais... J'ai l'impression que vous êtes prêts pour être Miss France. En tout cas, ça y est, elles l'ont toutes fait. La Miss qui a gagné a eu 18,35 sur 20. C'est Miss Centre-Val-de-Loire qui est la première. Bravo. Deuxième Miss Limousin, troisième Miss Midi-Pyrénées. Félicitations. Bravo. Il y a aussi un petit test pour pas mettre des ronds dans les carrés, des carrés non, dans les ronds. Non, arrête. Il y a des questions de logique aussi. Moi, je me rattraperai sur le défilé en maillot, de toute façon. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and sur RTL de 6h24. Allez, l'horoscope, c'est parti. Médaille de bronze pour les Sagittaires, Greg. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments et aller vers l'autre, n'ayez pas peur. Les Capricornes. En ce moment, vous avez l'impression que vos efforts ne payent pas, il faut persévérer. Et les Verseaux. Vous vous sentez facilement oppressé et vous avez besoin d'air. Médaille d'argent maintenant pour les Béliers. Vous êtes un véritable pilier pour vos proches. Taureau. Restez tel que vous êtes, votre personnalité est unique. Les Gémeaux. Aujourd'hui, votre spontanéité vous offrira une belle opportunité. Cancer. Vous entretenez de très bonnes relations avec vos collègues. Les Lions. Les rencontres que vous faites en ce moment seront importantes pour la suite. Balance. Vous êtes très épanoui dans votre vie affective. Les Scorpions. Plein de surprises vous attendent cette semaine. Poissons. Vous êtes un passionné, n'hésitez pas à vous lancer dans de nouveaux projets. Et puis médaille d'or aujourd'hui pour les Vierges. C'est ça Justine, vous êtes le champion du jour. Chaque décision sera la bonne, vous croquez la vie à pleines dents. Bonjour à tous, bienvenue dans le Double Expresso RTL. On est très heureux de partager votre réveil à 6h24. Voici Rag & Bone Man. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Oh, some people got the real

Stéphane Echard dégénère en paix pour les fans comme moi. Et comme il est rare, sachez-le, il sera le 2 février prochain au Grand Rex avec le groupe Tracortex Star. C'est pas simple à dire. Et on vous en reparlera évidemment. Bye. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. C'est un bordel ce nom de groupe. Ouais, un petit peu. Il y a ouais. du car partout. Tracortex Star. J'avoue humblement que je ne connaissais pas avant qu'il ne soit avec Stéphane Echard. Alors, winner du jour, Justine. Trouvez sur 20minutes.fr. Alors, vous le savez, comme chaque année, à l'approche des fêtes, Gwyneth Paltrow, l'actrice. Ah, publie... c'était elle le bip. Ben oui. Ah. Elle publie un petit guide sur son site pour aider le Père Noël à trouver des cadeaux assez stylés pour Noël. Alors, on précise, c'est chaque année la petite liste de Gwyneth Paltrow et oui. c'est toujours des trucs très, très, très barrés. Hein. Ah oui, elle rivalise quand même d'inventivité hein, pour offrir une sélection d'objets. Bah, c'est ça, c'est le mot. Je ne vais pas trouver mieux. Non, complètement barré. Ouais, ouais, ça part loin. Alors, par exemple, vous pourrez trouver un brûloir à encens design d'une valeur de 820 $. Ah, pourquoi ouais, pas c'est accessible en plus. Ah, faut pas, alors, faut pas m'en vouloir, mais je vais chez Casa ou Zara Home et puis en trouver un pour 2 euros. Hein. Vous avez aussi sur la liste de Gwyneth Paltrow une planche de surf Hermès pour la modique somme de 7 700 $. C'est aussi. Important. Voilà. Alors, bon, vous avez aussi, vous pouvez offrir un petit déjeuner en compagnie de girafes. Voilà. Ah, pourquoi d'accord. pas. Mais elle n'a pas oublié les petites bourses. Ah. Sous la barre des 100 $, vous pourrez toujours vous offrir des feuilles à rouler en or pour 55 $. Génial. Ou alors une éponge. L'éponge, 6 $. Ah. Voilà. Bah, je vais prendre une éponge. Ouais, bah, j'espère que le Père Noël l'a mis de côté quand même. Hein, parce que... Ah oui. Ah bah, t'imagines. Je pense que le Père Noël sera plus doué que Gwyneth Paltrow. Ouais, j'espère. Mmh. Mais bon, après, c'est toujours très rigolo. Ça montre le décalage absolu entre Gwyneth Paltrow ah, et bah, nous. Ah bah ça, oui, en effet. Monde, ouais. On n'a pas la même vie. Hein. La planche de surf à 7700 ouais. boules. Elle a changé, Gwyneth. Ah bah, ouais, c'est plus la même. Voici les Red Hot Chili Peppers sur RTL. Bon réveil. Can I get your hand to write on? Just a piece of lead to bite on. What a night to fly my kite on. Do you want to flash a light on? Take a look, it's on display for you. Coming down on not today. Did you meet your fortune teller? Get it off with no propeller. Do it up, it's on with Stella. What a way to finally smell her. Pick it up, it's not too strong for you. Take a piece and pass it on.

can we just dance? Je suis content que tu sois de retour, Justine. Oui, bah, je suis content d'être là aussi, tu vois. Ça fait plaisir. On va jouer tout de la brosse dans RTL2 après The Fray. Bonjour à tous. You stare politely right on through. Some sort of Save a Life sur RTL2. RTL2, le tube de la brosse à dents. Elle inaugure une nouvelle semaine de gagnants, je l'espère, dans ce double expresso RTL2. Elle, c'est Alice. Bonjour Alice. Bonjour Grégory, bonjour Justine. Coucou Alice, comment ça va? Bonjour. Bah ça va bien, et vous? Bah très bien, ouais, ravi de vous accueillir. Vous êtes bon, bah super. Alors je veux pas dire d'erreur sur le nom de votre ville, donc je vous laisse le prononcer. Alors c'est Chambostalière. Chambostalière, je ne sais pas si on prononçait le T ou pas. Chambostalière, c'est du côté de Lyon, c'est ça? Oui, Villefranche-sur-Saône, Lyon, oui. D'accord, nord okay. De Lyon. Et là vous allez partir aider nos chères petites têtes blondes. C'est ça, j'y suis là à l'école. Vous êtes ATSEM, hein, ce sont celles qui aident les maîtresses, qui font un boulot formidable au quotidien avec les institutrices et les instituteurs et tous les professeurs des écoles, évidemment. Moi, et je vous sais, avez je vous beaucoup bosser. De patience. Bravo. Ouais, félicitations. Oui, c'est ça. Moi, j'avais une ATSEM merveilleuse, j'avais ma petite Kimi qui pleurait tout le temps. Elle aimait pas. Ah. Et du coup, il y avait toujours le câlin, la main, mignon. C'était toujours très très oui, bien. C'était assez, là, oui, assez mignon. Présent. Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end ou dans la vie en général quand vous avez un peu de temps? J'aime bien faire de la marche nordique, je pratique la marche nordique, les activités manuelles avec mes enfants à moi, oui. Du coup, parce que j'en ai quatre quand même. Ouais. Ah oui Le ouais. Cinéma, la lecture, enfin plein de choses. Bon, oui. Et ben vous allez pouvoir vous régaler avec ces 300 euros de tickets, de cadeaux, de chèques cadeaux, Cadeos qu'on vous offre, et des chocolats de Neuville d'une valeur de 50 euros. Il y a 350 euros de l'eau à gagner, c'est ce qu'on vous souhaite évidemment. L'eau, c'est pas beau, mais c'est nos cadeaux. Bonjour Bruce Springsteen. Oh yeah. Bonjour les pop rockers. Bonjour Alice, bonjour en forme Bruce. Bonjour Bruce, ça va bien, merci. Est-ce que je fais aussi partie de vos passions? Dites-le-moi. Oui, moi. Tout à fait. Tous les matins, je vous écoute. Allez, on y va, brosse. À toi de chanter. Bonne chance, Alice. Allez. Alice, 4 lettres, groupe culte des années 80. Je peux pas vous dire plus. Allez. Alice. C'était le groupe In Excess, Need You Tonight. C'était pas mal, Brosse, parce que c'était pas évident. Hein. Ouais, pas facile. Bon, Alice, on vous offre le mug du double expresso RTL2 et puis également le DVD pour vous et vos enfants de L'Envol de Ploé. C'est un film d'animation très sympa qu'on vous offre et qu'on vous envoie à quelques encablures de Noël. On vous souhaite une belle journée, on vous embrasse fort et... Merci. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2, dites-moi? Un double expresso. Merci, au revoir. Au revoir. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Et c'était sur RTL2. Le double expresso RTL2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Lui aussi, il est de retour. Il a beaucoup bossé jeudi et vendredi, Juju, dans ton absence. Oui. Pas beaucoup bossé, il a bossé un petit peu plus que d'habitude. Ouais. Je l'ai écouté. Hein. Ah oui, je sais, tu je l'ai jugé. Sur RTL2.fr. D'ailleurs, on a une note à te donner sur tes prestations, mais on le fera plus tard entre nous, Jonathan. Pour pas que ça me déprime. Ouais, d'accord. Vas-y d'abord le top 3 de l'actu. Merci, on commence avec une info innovation. Une entreprise allemande a réussi à fabriquer une moto électrique à l'aide d'une imprimante 3D. Ça c'est balèze, à l'exception du moteur. Ah. Ça, ils n'ont pas réussi. Donc, c'est une moto sans moteur. Voilà, les mecs ont fabriqué un vélo, en fait. Donc, bravo. Voilà. Oui. Bravo. Il a raison, deux roues, un guidon, sans moteur, c'est un vélo. Mais bon, allez, c'est une innovation, visiblement. Bon. On continue dans les high technology. Google veut concevoir des chaussures à roulettes pour parcourir plusieurs kilomètres dans un jeu virtuel sans quitter la pièce. Voilà. Voilà, ça c'est leur nouveau délire, parcourir des kilomètres sans quitter la pièce, ce qui m'arrive déjà à chaque fois que je paume mes clés. Donc, j'ai pas besoin de Google pour ça, les gars. Hein. Et moi, je crie en même temps. Ah, tu cries en même temps? Moi, je m'auto-insulte. Je t'imagine très bien. Et on finit au Royaume-Uni selon une une tradition. La reine Elisabeth II impose la pesée à ses invités avant le dîner de Noël. Bah. Mais bon, t'inquiète, Greg. Non, mais je suis pas inquiet, je suis affûté là. Non, mais tu seras pas invité de toute façon. Donc, oui, voilà. Je vais pas faire réveillon chez la reine. Non, pas là. C'est odieux de faire ça quand même. Faut que je prévienne mes parents que j'ai peut-être aller chez eux du coup. Peut-être que je m'arrange. Les Cranberries, zombies dans le double expresso RTL2. En même temps qu'il y aura Jane, U2, Imagine Dragons. Quel bel endroit, ce double expresso. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Tout à l'heure, à partir de 18h dans le Drive RTL2, on reçoit Snow Patrol. Snow Patrol, en direct et en live dans notre studio du Drive RTL2, c'est tout à l'heure, à partir de 18h. Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL2. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? C'est qui ? Oui ? Oh bah, c'est kiwi, oui, je suis chez Lidl. Et aujourd'hui, demain, le kiwi est à 39 centimes la pièce. Moins de 40 centimes le kiwi ? Eh oui, 39 centimes, c'est le vrai prix. Et un prix Lidl, quoi. Tout rikiki. Oui, c'est bon, ouais. Et à qui je vais serrer le kiki, moi ? À qui ? Bah, à Bibi, comme d'hab. Eh bah oui, oh, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, variété Eward, origine Nouvelle-Zélande. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. En novembre, il y avait cette reprise de 4000 euros de tout ce qui roule pour l'achat d'une Opel Corsa avec climatisation, radio CD Bluetooth et régulateur de vitesse. Pourquoi j'y aurais cru ? Je veux dire, la mort d'Elvis, j'y ai pas cru. Le monsieur sur la lune, j'y ai pas cru. Alors une reprise de 4000 euros, le complot quoi. Et puis l'offre est passée et depuis, bah, j'ai honte quoi. C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 30 novembre, Opel vous reprend tout ce qui roule 4000 euros minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Leclerc. Chérie, je réfléchissais au menu pour les fêtes de fin d'année. On va peut-être se faciliter la tâche. Viens voir tout ce que propose le service traiteur Leclerc. Mais ça a l'air très bon ça. Super, à partir de là, je m'occupe de tout. L'apéritif, les entrées, les plats, les desserts. Je choisis, je commande en ligne ou en magasin et je retire dans le Leclerc de mon choix. Pour des fêtes réussies, profitez du service traiteur Leclerc en ligne ou en magasin. Commande et modalité en magasin et sur www.traiteur.leclerc. Attends, ça a l'air très très bon. Ah ok, ça aussi. Mais tu sais qu'il faut choisir quand même. Oh non. RTL2. Bonjour, c'est moi, celle qui vous importune pour votre plus grand plaisir. Vous voyez pas ? Je suis un peu carrée, avec un bouton. Toujours pas ? C'est que souvent vous passez à côté de moi sans me regarder. Je suis pas très grande. À vrai dire, je mesure 7 cm sur 5. C'est dommage, quand on sait que je peux vous rapporter jusqu'à 130 euros. Vous voyez toujours pas qui je suis ? Laissez-moi vous éclairer. Je suis une simple bannière web Boursorama Banque qui passe à la radio pour être sûre que vous ne passiez pas à côté de moi. Du 23 au 26 novembre seulement, avec l'offre Pink Weekend, recevez jusqu'à 130 euros pour toute première ouverture de compte avec carte bancaire chez Boursorama Banque. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Détails des conditions de l'offre sur boursorama-banque.com. Gardez le meilleur pour la fin. Expression française qui signifie qu'aujourd'hui, c'est le Cyber Monday sur la redoute. Jusqu'à moins 60% sur les meilleurs produits et en plus, moins 10% supplémentaires sur tout le site. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année avec la redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Dis donc, sympa ta nouvelle voiture. Oh, attends, c'est rien à côté de ma nouvelle assurance. Mmh. Ah tiens, justement, c'est elle. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que votre nouvelle voiture est désormais assurée chez nous. Et vous venez d'économiser 245 euros pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Eh, c'est ton appli banque qui va être contente. En souscrivant chez Direct Assurance, 9 nouveaux clients sur 10 déclarent bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Voir détails sur le site. Chez Leclerc, nos forfaits mobiles s'appellent Réglo. Et c'est Réglo sur toute la ligne. Un nouveau forfait avec appel, SMS, MMS illimité et 40 gigas d'internet à 9,95€ par mois sans engagement, c'est Réglo. Et vous avez la possibilité de faire appel à un vrai service client en magasin. Alors soyons réglo. Mobile. Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions consultables sur le site. Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Il est 7h01, vous êtes sur RTL2. Imagine Dragons, c'est les Cranberries après les infos de Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. La lutte contre l'homophobie. Le gouvernement avait promis d'en faire son cheval de bataille. Marlène Schiappa dévoile aujourd'hui en Conseil des ministres un plan d'action pour endiguer les agressions visant les couples gays ou lesbiens. Selon la secrétaire d'État chargée de la lutte contre les discriminations, les dépôts de plaintes liées à des violences homophobes ont augmenté de 15% par rapport à l'an dernier. Parmi les annonces attendues, un volet éducatif de sensibilisation, mais aussi des mesures répressives.

Mary Zombie sur RTL2. Grégory Hacher et Justine Salmon. Le double expresso RTL2 de 6h à 9h. Allez, non, j'avais 18 ans à nouveau, moi. Je suis presque un petit pogo tranquille d'entrée de jeu dans le studio. Quel plaisir de retrouver Justine Salmon. Oh, Juju. Ah, coucou Greg. Salut tout le monde. Je suis contente de vous retrouver aussi. Bah oui. C'était long, hein. Tu nous as manqué. Bon, et puis merci pour vos messages. Et puis je tiens à rassurer tout le monde, petite opération qui s'est très bien passée. Oui. Voilà, je suis en forme. Mais voilà. On t'a manqué, nous aussi, quand même, parce que tu dis jamais ça depuis le début. Alors, vous m'avez manqué. Ah. Et surtout, les petits-déj du double expresso m'ont vraiment manqué. Parce qu'à l'hôpital, c'est tellement dégoûtant. Non, en plus, l'opération a réussi. Ton nez est vraiment très beau. Ta bouche, c'était pas ça du tout. Ah, fallait pas le dire. Bon, mais écoute, c'est pas. Non, aucun rapport, évidemment. Bon, il y aura l'info expresso. Il y aura évidemment l'horoscope. Et puis le retour de la banque RTL2. Vous avez bien compris qu'on est reparti pour une nouvelle semaine. Et il y a toujours jusqu'à 10 000 euros à gagner. Puis on a encore plein de cadeaux dans la banque. Oui, on vous offre des séjours du côté du domaine des Portes du Soleil. Séjour au ski. 1 180 euros, c'est 7 jours 6 nuits au ski. Allez-vous, c'est pour nous, c'est cadeau. 3228, vous nous appelez dès maintenant, évidemment, jusqu'à 10 000 euros. J'oublie pas le son pop rock. Jane, U2 et Imagine Dragons, je n'ai qu'une parole, je vous avais annoncé, les voici. Natural dans le double expresso RTL2. Bonjour à tous. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Somebody, let me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of wood without the peace, face a bit of the truth, the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head, won't break it. I can taste it, the end is upon us. I swear, I'm gonna make it. I'm gonna make it! Natural, au pied du sapin, vous oubliez pas l'album d'Imagine Dragons. Ah oui, je suis leur agent, mais bon, je suis fan. L'album est sorti le 9 novembre dernier. Tiens, pour l'info expresso, bon, on sait toujours pas s'il y a une vie après la mort. Ça, a priori, on n'est toujours pas plus au courant. Mais par contre, je peux vous le dire, pour certaines célébrités, il y a beaucoup d'argent après la mort. Ce sera notre sujet musical de l'info expresso. Ça sera pas dark, pas sombre. Oui, on va parler musique, c'est non, mieux. Non, on va parler musique et de ceux qui réussissent même après la mort. YouTube. Magnificence pour le double expresso, le son pas propre du double expresso RTL. De rester avec nous. RTL 2 et Triomphe.

C'est le double expresso. Bonjour. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. J'ai un fou rire, je suis tellement content de te retrouver. Bah écoute, tant mieux, je suis contente que tu ris. Vas-y, YouTube sur Internet. C'est pas possible. Sur RTL2. L'Info Expresso RTL2. L'Info Expresso tous les jours, 6h20, 7h20, 8h20. On fouille la presse et le web pour vous. Et je me suis dit, je vais parler d'un sujet joyeux ce matin, la mort. Bon sympa. Réveil, oui. Et bonjour, bon début Merci. De semaine. Non mais vous allez voir que ça peut être festif, enfin entre guillemets. C'est le magazine Forbes qui a dévoilé à la fin du mois dernier un palmarès des personnalités décédées les mieux payées en 2018. Ah. C'est-à-dire que malgré leur mort, ils continuent de ramener beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fascinant, d'assez incroyable. En France, on a l'exemple avec Johnny. Forcément, avec son album posthume qui cartonne. Bon, il avait déjà beaucoup de succès, mais c'est vrai que son album posthume cartonne. J'ai pas dit qu'il y avait plus de succès après la mort, je dis qu'il continue d'avoir autant de succès. Mais il y a beaucoup d'artistes qui ont, par contre, du succès après la mort. Oui, voilà, ça marche surtout d'ailleurs pour les peintres de l'époque. C'est vrai. Bon, alors en 10e position, il y a John Lennon qui a quand même gagné, lui et ses ayants droit, sa famille, 11 millions de dollars dans l'année 2018. C'est beaucoup d'argent. Ah oui. 9e place pour Prince. On a 13 millions de dollars de gains pour l'année 2018. Derrière, même, il y a des personnalités comme Marilyn Monroe, Hugh Hefner, le créateur de Playboy. Il y a Bob Marley qui arrive en 5e position. Ah oui. Arnold Palmer, le grand golfeur, en 3e position. 2e place pour Elvis Presley. 40 millions de dollars de gains dans l'année 2018. Mais Elvis, ça remonte autant d'années après. Très longtemps quand même. Vous compte, c'est énorme, absolument encore. Incroyable. Et le leader incontesté, incontestable, on était en 2e position avec 40 millions de dollars de gains en 2018, c'est Michael Jackson. 400 millions de dollars, un demi-milliard quasiment, de gains en 2018 uniquement. C'est hallucinant. Ouais. On rappelle qu'il détient le record avec Thriller de l'album le plus vendu au monde. C'est-à-dire le King of Pop pour l'éternité. Après, il faut juste que la famille se partage tout ça, quoi. Oui, ouais, c'est pas une gamme. Moi, je suis désolé pour ma famille. À ma mort, il n'y aura pas grand-chose. Hein. 40 euros sur un livret A, max, hein, mais. Ouais. C'est vrai, facile à répartir. Eh bien, c'est déjà ça, tu veux que je te dise. C'est tu déjà restes ça. Une belle personne, Jonathan. Voici Jane. To look down at you. Things gonna be Double Expresso RTL 2 à 7h25. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine qui s'ouvre à vous, c'est lundi matin. C'est l'horoscope du Double Expresso, les médailles de bronze, Justine et les Sagittaires. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments et aller vers l'autre, n'ayez pas peur. Les Capricornes. En ce moment, vous avez l'impression que vos efforts ne paient pas. Il faut persévérer. Paient pas, le cochon ? Non, les Verseaux. Vous vous sentez facilement oppressé, vous avez besoin d'air. Les papilles. Bon, les médailles d'argent avec les Béliers. On a compris. Hein. Ouais. Bélier, vous êtes un véritable pilier pour vos proches. Les Taureaux. Restez tel que vous êtes, votre personnalité est unique. Les Gémeaux. Aujourd'hui, votre spontanéité vous offrira une belle opportunité. Tu vois, mes jeux de mots. Les Cancers. Vous entretenez de très bonnes relations avec vos collègues. Les Lions. Les rencontres que vous faites en ce moment seront importantes pour la suite. Balance. Vous êtes très épanoui dans votre vie affective. Les Scorpions. Plein de surprises vous attendent cette semaine. Les Poissons. Vous êtes un passionné. N'hésitez pas à vous lancer dans de nouveaux projets. Et alors, pour qui la médaille d'or ? Pour les Vierges, vous êtes le champion du jour. À chaque décision sera la bonne. Vous croquez la vie à pleines dents. The Servant Orchestra. Ça, c'est pour le son pop rock à venir. Il y aura également ma chanson du jour. On va se replonger dans les années 80 et puis la banque RTL2 pour gagner des séjours au ski, des smartphones, différents cadeaux et jusqu'à 10 000 euros ! Oh ah, je le fais avec vous ce matin, oui, ouais, sur RTL2. Écoutez RTL2, we are good news. L'occasion de la sortie de leur nouvel album Simulation Theory. Écoutez RTL2 et partez à Londres pour le concert de Muse. À tout moment sur RTL2. We love RTL2, the pop rock radio. Intermarché vous propose d'écouter 23,45€. Jusqu'au 2 décembre, le paquet Megapack de 86 couches Pampers Baby Dry taille 4 est à seulement 23,45€ avec en plus 50% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère.

Les températures ce matin, 4 degrés à Nancy, 5 à Mayenne, 6 au Havre, à Paris et à La Ciotat, 10 à Biarritz et 11 à Solenzara. L'après-midi, on attend 4 degrés à Aurillac, 5 à Lens, 6 à Mâcon, 8 à Castelnaudary et 10 à Lorient. Tous les matins de 6h à 9h, c'est le double expresso RTL 2. Here I am, a young man. Come and get me if you can. Up in my room, covered in flames. Meet me at the cinema. You can take me in your car. I'll lie in the back and stare at the planes. There's an orchestra in me, playing endlessly. I even hear it now. Whoa, they play in the devil's key, an endless symphony. I even hear it now. And I listen to music, beautiful music. Yes, I listen to music, beautiful music. Yes, I listen to music, beautiful music. Here I am, a young man. You can roll me in your hand. Throw me up high into the air. I wandered on, written torn, a samurai in a storm, over the sand into the dans le double expresso RTL 2 Orchestra. RTL 2, la chanson du jour. Cette chanson, elle est trop trop belle. C'est ce que vient de dire Max, notre responsable des réseaux sociaux. J'adore. Sur ta chanson du jour. Bah, il a raison, c'est un groupe, un duo britannique, c'est le grand groupe Eurythmics. Le génie de Dave Stewart, la voix merveilleuse d'Annie Lennox, je pourrais mettre des superlatifs par milliers tellement ils sont géniaux. L'album c'est Be Yourself Tonight et la chanson There Must Be an Angel. C'est la chanson du jour aujourd'hui, succès mondial. Seul numéro 1 d'Eurythmics en Angleterre. Même pas Sweet Dreams Are Made of This, c'est incroyable, ouais. Mais c'est quand même leur numéro 1 là-bas. Il faut savoir quand même que les chansons du groupe fluctuent d'ailleurs selon l'humeur du couple parce qu'ils ont été longtemps ensemble. Puis pas ensemble. Et cette chanson, justement, c'est une chanson qui est un hymne au bonheur. Ils n'étaient plus ensemble et Annie Lennox venait de divorcer. Et ben pourtant, dans cette chanson, elle a décidé de se rappeler les beaux moments de ses vies de couple et de tout mettre dans ce There Must Be an Angel, ces grands moments de relations réussies. Le solo d'harmonica, lui, est signé Stevie Wonder. Ils sont allés en Californie pour essayer de le convaincre. Ils ont réussi. C'était une belle rencontre. C'est ma chanson du jour. Eurythmics, There Must Be an Angel sur RTL 2.

yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow. False Garden Lemon Tree sur RTL2, il est 8h10. C'est l'heure de la banque RTL2. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory, bonjour Justine. Salut Sylvie, ça va? Oui, très bien. On est ravis de vous accueillir. Je vous ai ce matin, donc ça va. Ah bah ouais, mais nous aussi, on est très heureux. C'est dit ce matin, d'ailleurs, au réveil, il faut qu'on parle à Sylvie. Je me suis dit, tiens, il faut que j'appelle Sylvie tranquillement. Je vais appeler Van, où on nous écoute sur 87.6. Et Sylvie sera au bout du fil. Merci. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, Sylvie? J'ai déménagé une amie. Ah, oh, vous êtes sympa. Vous faites partie de ce genre d'amis qui aident pour les déménagements, c'est rare. Dit-elle en me regardant méchamment parce que je ne l'ai pas aidé pour ce déménagement. Et oui, parce qu'on a inventé un truc génial, Justine. Ce sont les déménageurs et ça fait travailler plein de gens. C'est formidable. Puis j'habite au 6e étage, hein. Moi c'est sympa. Bah, c'est surtout ça, évidemment. Bon Sylvie, on a plein de beaux cadeaux dans cette banque RTL2. Ça peut grimper jusqu'à 10 000 euros évidemment. 500, 1000, 2000, pourquoi pas. Il y a des séjours au ski du côté du domaine des Portes du Soleil. Vous allez pouvoir gagner ça, des smartphones. Bon, attention au coffre vide, d'accord? D'accord. Allez, on y va. Top chrono, une minute pour jouer. Voici le coffre numéro 1. Une console Nintendo Switch. La Switch. Non. 309 non. euros. Non. Non. D'accord. Ok. Non, non. M'engueulez pas, Sylvie. Coffre 2. Non, non. Une guirlande de Noël. Et ben voilà, c'est parfait. Je passe aussi. Oh, ben oui, vous savez pas ce que vous voulez. Coffre 3. 100 euros. Du cash. Combien? J'ai pas entendu. 100 euros. 100 euros. Je passe aussi. Bon, coffre 4. Un ensemble Bose. C'est plus de 500 euros, hein, cet ensemble Bose. Hein. Ouais, mais je passe. Oh là là, coffre 5. 23 secondes. Un smartphone Samsung Galaxy S9. Il est à 859 euros, le smartphone. Eh ben, je garde. On se prend le petit Galaxy S9 de chez Samsung? Sans oui. regret? Il y a peut-être mieux derrière, il y a peut-être moins bien? On prend ça? Ouais, écoutez, on prend ça. Allez. Hey, à force d'hésiter, il restait 6 secondes. Vous aviez l'air convaincu, Sylvie, oui, donc, hein. Ouais, dis-vous là. Oui. Bon, vous gagnez ce très beau smartphone dernière génération, évidemment, le dernier Samsung, le Galaxy S9, 859 euros. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre suivant, Jérémy, le dernier, sans doute? Un séjour sur le domaine des Portes du Soleil. C'était le ski pour 1180 euros, mais... Oui, mais pas de regret, j'aime la mer. Ah ben voilà, bah écoutez, les deux ne sont pas incompatibles, mais vous allez pouvoir faire des belles photos de la mer avec votre Galaxy S9. On vous embrasse très fort, on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Si comme Sylvie, vous voulez rejouer, c'est dans moins d'une heure, 3228 ou banque au 74 900. Et Sylvie, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un super double expresso, bien sûr. Merci beaucoup. Choosing wrong, I don't care at all. Going on sur RTL2, 7h55. RTL2, les savoirs inutiles. Pour briller à la machine à café. Tu reviens, Justine, c'est normal, on va parler d'élégance, de grandes traditions françaises. Bon, c'est Noël bientôt et ça va être un des best-sellers au pied du sapin. Le Papa Noël va amener forcément beaucoup de parfums. Ah oui. Ah oui, c'est souvent au pied du sapin qu'on retrouve les plus beaux parfums. Je vais vous parler du plus connu peut-être d'entre eux, le Chanel numéro 5. Ah alors, oui. C'est pas pour faire de la pub, mais comme il est très connu, je vous explique pourquoi il s'appelle numéro 5. Personne ne sait ici. Ah non, vous avez pouvoir en parler tout à l'heure à la machine à café. En fait, c'est Gabrielle Chanel, plus connue sous le nom de Coco Chanel, qui décide de vouloir lancer un nouveau parfum. Elle demande à Ernest Beau, qui s'occupe des tsars de Russie, de créer ce parfum. Il lui prépare des échantillons numérotés de 1 à 5 et de 20 à 24. Et que fait Coco Chanel? Elle choisit l'échantillon numéro 5. Et donc, quand il lui dit quel nom on va lui donner, elle lui dit bah, c'est l'échantillon numéro 5. Je vais le lancer un 5 mai, cinquième mois de l'année, ce sera le numéro 5. Et voilà comment ce parfum mythique est devenu le numéro 5 de Chanel. C'est tout bête. C'est tout simple. Échantillon numéro 5, en mai, un 5 mai, et bim. Pas mal, non? Quand vous creusez la tête pour trouver un nom pour je sais pas, votre entreprise, le c'est nom ça. De votre chien, de votre chat, bah vous voyez. Ça n'a rien à voir quand même. Hein. Bah votre enfant, numéro 5. Tu vas appeler ta raclette? Je vais appeler ma raclette Juju, tout simplement. Tu vois, ça porte son nom. Zazie, speed à suivre. Et puis il y aura également Maroon 5 et Radiohead. Quel programme incroyable pop rock, évidemment, sur RTL2. Merci d'être là. A été la première radio en France à jouer ce titre de U2. Ce titre de Maroon 5, vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de George Ezra. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Avec les couettes et les oreillers Cola Normand, fabriqués en Normandie, c'est tous les jours dimanche. Une récupération optimale, avec ou sans réveil matin. Alors vous aussi, soyez conquérants. Avec les couettes et oreillers Cola Normand, par tous les temps, chaque matin, partez gagnant. Il est bientôt 8h sur RTL2. Allopneu.com. Goodyear, 120 ans d'innovation, ça aide à rester serein, non? En courbe, au freinage, sur route sèche ou mouillée, la recherche Goodyear n'a qu'une mission, vous faire prendre la route en toute sérénité.

C'est le double expresso RTL 2. Bonjour et bienvenue dans le double expresso RTL 2. Elle est de retour, Justine Salmon, bonjour. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Et vous le savez, on vit des moments magiques chaque matin ensemble. Et dans la banque RTL 2, on peut gagner jusqu'à 10 000 euros. C'est Lara qui a gagné il y a quelques jours ces 10 000 euros. On écoute l'extrait. 10 000 euros. 10 000 oh. On prend oh. Oui. Je voulais faire un très beau cadeau à mon mari, à mon conjoint. Oh non, j'ai envie de pleurer. Voilà pour Lara. Et qui est avec nous ce matin dans le studio? Lara est là. C'était le 8 novembre à 8h45 exactement, cette banque. C'était bien, hein? Ah, c'était chouette. Alors Lara, comment ça va? Ah bah c'est juste magique d'être avec vous et un grand merci à RTL2. Avec grand plaisir. Lara qui est venue avec du Saint-Nectaire. Donc du coup Lara, elle marque beaucoup de points. Du coup c'est 20 000 euros. Elle est venue avec du fromage, avec des viennoiseries, elle nous a gâtés. Hein. Ouais, c'est chouette. Alors qu'est-ce que vous allez faire de ces 10 000 euros, racontez-nous. Et bah du coup je vais toujours acheter une petite voiture à mon chéri. Ah c'est bien. Chou. Mais j'ai décidé quand même de prendre des petits billets d'avion pour une destination au soleil. Bah oui, vous avez raison, bah oui. Bah oui, 10 000 euros. Bah, avec 10 000 euros, on peut se faire plaisir, on peut s'offrir les deux, évidemment. Mais en tout cas, on est très heureux que vous ayez remporté ces 10 000 euros. Ça peut arriver à tout moment à la banque RTL2 à 7h45. Et pourquoi pas tout à l'heure à 8h45, vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 euros, 32,28 ou banque ou 74, 900. Vous restez avec nous, hein, Lara? Avec plaisir. Ah, vous restez jusqu'à 9h, évidemment. Vous êtes la bienvenue ici. Laissez du Saint-Nectaire quand même à Justine. Elle revient. Elle a besoin de force, vous savez. Après, c'est plutôt tranquille. Radiohead, le son pop rock que l'on aime, Creep, dans le double expresso RTL2. Bonjour à tous et bon début de semaine. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather. Beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. But I'm a creep.

tout va bien. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Ils chanteront à la mi-temps du Super Bowl, ils seront en concert à l'Accor Hotel Arena de Paris le 11 juin, c'est... Vas-y. Maroon 5. Maroon 5. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Dans le double expresso RTL de Girls Like You. L'info expresso RTL 2. 8h21, info expresso d'intelligence ce matin. Le quiz qui change une vie. Le test de culture générale des Miss France. Ah. C'est tous les ans. Oui. Ah, je vais défiler en maillot de bain avec une écharpe. Ah non, non. Je suis chaud. La prochaine élection des Miss France, c'est bientôt, là. C'est mi-décembre. Mmh. On recevra d'ailleurs, je pense, la nouvelle Miss France dans l'émission. Oh, bah oui. Elles sont on va la harceler, comme chaque fois, Sylvie Tellier, 12 messages. Ça. Elles sont en préparation en ce moment avec Sylvie Tellier, et donc elles sont à l'île Maurice, hein, tranquille. Oh, ça va la vie. Mais il y a un test de culture générale qu'elles passent tous les ans. Alors pour info, preuve de l'importance du test, Iris Mittenard et Camille Serre, qui avaient été Miss France, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss France, avaient terminé en première position. Allez, vas-y pour le test. Allez, alors, on est chaud là. Quelques petites questions. Quel est le plus grand département de France métropolitaine? Seine-et-Marne, non? C'est dans le la Guyane. Pas du tout. La Gironde. Oh non, ah, c'est chez moi. Allez, bim, vous avez déjà une erreur. Oh là, c'est même pas. Mais c'est honteux, je sache qui, pas. Qui a je serais pas Miss France. Qui a remporté le tournoi de Roland-Garros en 2018? Nadal. Nadal, ouais. Bravo. Bah depuis 100 ans. Qui a composé l'Ode à la joie, l'hymne de l'Union Européenne? Beethoven. Bravo. Ah, comme le chien. Ou le compositeur Woody. La référence. Tout le monde fait des blagues. Je pense que vous avez un peu triché. Mais pas du tout, non, bah, non mais ça va, et c'est un niveau brevet, on va y arriver quand même. Tu doutes de nous, Justine. Il y a 36 questions en tout, il y a des questions de logique à la fin, et une expression écrite à la fin dont la consigne est « En 50 mots maximum, décrivez-nous votre plus grand rêve », et il faut qu'elle le traduise en anglais également. Dans le monde, the peace in the world. En tout cas, c'est la Miss Centre-Val-de-Loire qui a eu la meilleure note, 18,35 sur sur 20. Ouais, c'est parce qu'on n'était pas là avec Greg, hein, sinon on l'aurait battu. On porte hyper bien l'écharpe. J'imagine. Et le maillot. Ouais, c'est Escobar et Madame As sur RTL 2. Si, si. À 8h26 dans le double expresso RTL 2. On y va pour l'horoscope ? Allez, médaille de bronze avec les Sagittaires, Greg. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments et aller vers l'autre, n'ayez pas peur. Les Capricornes. En ce moment, vous avez l'impression que vos efforts ne payent pas, il faut persévérer. Et les Verseaux ? Vous vous sentez facilement oppressé, vous avez besoin d'air. Médaille d'argent maintenant pour les Béliers. Je suis pas complètement rétablie en fait, hein. Je vous le dis. Ah bon ? Allez les Béliers, oh il est en fou rire, c'est parti. Bon les Béliers, vous êtes un véritable pilier pour vos proches. Les Taureaux, restez tels que vous êtes, votre personnalité est unique. On passe aux Gémeaux ? Non, toujours pas, bon. Aujourd'hui, votre spontanéité vous offrira une belle opportunité. Les Cancers, Greg. Vous entretenez de très bonnes relations avec vos collègues, c'est pour ça que je t'aime, Juju, que tu m'as manqué. Les Lions. Les rencontres que vous faites en ce moment seront importantes pour la suite. Balance. Vous êtes très épanoui dans votre vie affective. Les Scorpions. Plein de surprises vous attendent cette semaine. Poissons. Vous êtes un passionné, n'hésitez pas à vous lancer dans de nouveaux projets. Et médaille d'or aujourd'hui pour ? Les Vierges, vous êtes le champion du jour, chaque décision sera la bonne, vous croquez la vie à pleines dents. Je sais, faut pas rigoler sur l'horoscope, vous êtes hyper premier degré sur l'horoscope, vous attendez ça avec impatience et amour. Tu vas te faire gronder. Hein. Pardon, mais elle m'a fait rire, c'est pour ça qu'on l'aime. Adèle, Rolling in the Deep. Beaucoup d'amour. T'as le rire facile. Hein. Ah ça ? Quand même. Et puis il y aura le winner du jour sur RTL 2 tout de suite. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Cette semaine, dans le Drive RTL 2, on vous offre un séjour à Tignes pour deux. En jouant avec nous à 17h30, vous partez fêter le nouvel an pop rock RTL 2 à Tignes. Une semaine avec hébergement, forfait et location de matériel. Plus la soirée du réveillon avec notre DJ RLP et ses invités. Le tout, les pieds dans la neige. Pas mal, non ? Allez, à tout à l'heure. Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL 2. Gardez le meilleur pour la fin. Expression française qui signifie qu'aujourd'hui, c'est le Cyber Monday sur la redoute. Jusqu'à moins 60% sur les meilleurs produits et en plus, moins 10% supplémentaires sur tout le site. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année avec La Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr.

Merci beaucoup. Retour des infos à 9h, évidemment, dans le double expresso RTL 2. Sur RTL2. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Alors, tu nous prépares quoi ce matin, Greg ? J'ai trouvé ça sur lestrepublicain.fr. Vous allez voir, c'est une vraie enquête de police. Allez. Là, je peux vous dire que c'est fut-fut. C'est la police de Caen, en Normandie, qui a fait preuve d'imagination et de ruse pour mener à bien son enquête. Voici l'histoire. À plusieurs reprises, il y avait un client qui commandait une pizza à une société de livraison. Bon, jusque-là, d'accord. Il attendait le livreur, c'est près de la mairie de la commune de Fleury-sur-Orne, pas très loin de Caen. Et dès que la pizza arrivait, il prenait la fuite sans payer. Ah là là là. Alors du coup, évidemment, le livreur n'était pas content. Normal. Le pizzaiolo non plus. Et donc, afin d'interpeller ce voleur de pizza multi-récidiviste, un policier de la BAC s'est donc déguisé en livreur. Alors, jeudi soir, le policier a enfilé sa tenue, l'individu passe commande, le policier se rend alors à l'adresse de livraison. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il remet la pizza. Le client, comme d'habitude, il s'enfuit sans régler, sauf qu'il est intercepté par d'autres policiers qui s'étaient cachés. C'est un jeune homme de 18 ans qui a été convoqué devant le tribunal de Caen pour vol et rébellion. Donc, autrement dit, gros moyen quand même. Policier caché, bon policier déguisé en livreur pour interpeller un voleur de pizza. Puis en plus, il allait tout le temps dans la même. Il était toujours pareil. Non mais... il a pu... Oui, c'est vrai qu'il aurait pu faire ça à d'autres sociétés différemment. Oh là là. Je te le dis peut-être. On va pas donner de mauvaises idées. Hein. Non, t'as raison. On n'est pas en train de vous dire comment voler des pizzas. Non, hein. Ne pas nous appelez pas. Mais le dispositif, c'était surtout pour récupérer la pizza, à mon avis. Ça s'en bouffe entre collègues. Tranquillement. Et voilà pour nos winners du jour. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way dans le double expresso à 8h38.

8h45, bienvenue dans le double expresso RTL. De bon courage pour ce lundi matin. Ça y est, j'ai l'impression que la magie de Noël commence à arriver, tu vois, Justine. Ah bah ça fait un moment. Non, j'étais pas dedans. Tant que je suis pas dedans, la magie avance pas. Justine, depuis septembre. Tu sais, ce week-end, je me suis fait, je crois, sans mentir, 7 téléfilms de Noël. Ah ouais, ouais. Alors moi, à la maison, les filles en ont fait 4 ou 5. Hein. Je peux pas... Ah ouais. Bah, on va écouter Queen et David Bowie, puis repenser à ce grand moment de télévision que tu viens de nous offrir. Merci. Slashed and torn. Under Pressure sur RTL 2 et nulle part ailleurs. C'est l'heure de la banque RTL 2. Oh bon, on est fiers de cette chanson, on aime le son pop, on aime Thibaut aussi. Bonjour Thibaut. Bonjour Greg, bonjour Justine. Et coucou Thibaut. Ça va? Oui, ça va, content d'être avec vous, lundi matin, c'est cool. Nous aussi, on attaque bien la semaine. Vous êtes à Sifour-les-Plages, attaque la semaine ensemble. J'adore le nom de votre ville. Sifour-les-Plages. Oui. Que tu dis, qu'est-ce qu'on peut mettre comme pizza dans les fours? Bah, je sais pas, Sifour-les-Plages. Allez, hop, six pizzas d'un coup. Je sais pas, j'aime bien. C'est cadeau, c'est pour moi des raclettes. Attends, pardon, Thibaut, excusez-moi, je voulais saluer Mike, qui nous écoute au Québec. Oui. Au Canada, qui écoute la via RTL2.fr ou l'appli RTL2. Pour lui, il est minuit. Voilà, bon, il est un peu plus tard, il est 2h49 du matin. Il nous écoute chaque début de nuit. Oh, c'est sympa, s'endormir. Bisous Mike, bonne nuit. C'est plutôt sympa. Très sympa. C'est rigolo. Bon, Thibaut, et je parle du Canada, pourquoi pas des séjours au soleil à gagner ou des séjours au ski aussi, hein? Ah bah ce serait chouette, ouais, bien sûr, absolument. Ça serait pas mal, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros également. Attention au coffre vide, on y va. Top chrono, la banque RTL2. Coffre 1. 500 euros à dépenser sur placedestendances.com. Du shopping. Hey. Ah bah écoutez, c'est pas mal, les cadeaux de Noël sont bien faits déjà, donc on va passer. Le Papa Noël, vous avez déjà passé la commande au Papa Noël. Bon alors on y va au coffre 2. Un rouleau de scotch. Ben voilà. Ah, j'hésite, mais j'ai tout ce qu'il faut à l'école, donc je passe. Allez. Bon, ben, coffre 3. Un pack PS4 et le jeu Spider-Man. Oui, car il est enseignant, Thibaut, c'est pour ça qu'il nous dit ça. Alors, la PS4, qu'est-ce qu'on fait là, si vous voulez que je divorce, il n'y a pas de problème, donc vous pouvez passer. Non, on est pour la paix des couples. Coffre 4, ben, les deux sont compatibles. Un lecteur DVD. Je vais passer aussi. 20 secondes. Coffre 5. Un séjour sur le domaine des Portes du Soleil. Le ski. 1180 euros. On va prendre ça. Écoutez. On prend le ski. Eh ben bravo. Eh ben les gens, ça fait plaisir. Hein. Thibaut, pour vous, un séjour pour deux personnes sur le domaine des Portes du Soleil. Vous avez l'hébergement 7 nuits, 6 jours en studio appartement et forfait ski 6 jours donc aux Portes du Soleil. Ouais, c'est beau, hein. C'est super cool. Merci beaucoup. C'est vers Châtel, Morzine, Avoria, tout ça, c'est joli. Bravo. On est très heureux de vous offrir ce séjour. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre suivant ? Un smartphone Wiko Youfil. Bon, bah voilà, vous êtes content. C'est parfait. Eh ben, je suis ravi. C'est parfait. Eh ben, je suis très content pour vous. Vous allez passer une belle journée d'école tout à l'heure, je suis sûr. Que ça commence bien, une bonne semaine. Merci d'avoir été avec nous. Une seule question, Thibaut. Qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2 ? Un double expresso. I believe what I said. Why does everyone have me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh, no. I know I've done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me. Say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured. Tell me you've been betrayed. What I've done to you. Even if it doesn't matter, matter what's true. Say that you don't want me. Say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Look at all this heartache, what is left? Forgetting how we started, this is how it ends. Oh no, I know I've done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Say, qui était venu chanter cette chanson dans le double expresso RTL de Naomna. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL 2. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il ne chante pas, mais l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il vient un peu plus souvent que le vendredi matin, tous les jours. C'est Jonathan O'Donnell. Je suis là. Qu'est-ce que je vais faire de l'actualité, Grégory, là ? Tu vas là. Alors attends, elle est où ? Je vais prendre celle-là. Celle-là ? Tu vas la chiffonner, tu vas la déchirer, tu vas la broyer. Ça nous avait manqué. Alors ça, c'est leur meilleur sketch. Voilà. Ah bah, ça me fait du bien, moi. Eh oui, c'est ça me détend les nerfs. C'est cool. Et puis on va parler écologie. Mmh. Voilà. Mmh. Des chercheurs d'Afrique du Sud ont réussi à fabriquer une brique avec 30 litres d'urine. Oh. Je veux même pas savoir comment ils ont fabriqué le ciment. Vraiment. Non. C'est mieux d'enchaîner. Allez, on enchaîne. Ouais, on enchaîne. Hein. T'es contente de ton retour, Justine ? Oh, ça me dégoûte. C'est le bon. Allez, on enchaîne. Bon petit déj. Hein. Bon.